Pèlerinage, suite et fin. Changement de décor total chez Joyce et Dick à Goldwyne, en Virginie centrale. Depuis que leurs enfants, deux enfants adoptés suivis de deux enfants naturels, sont partis, le couple a quitté la grande maison dans la forêt et acheté une petite demeure en ville. Dick est entrepreneur. Il dirige sa propre entreprise de construction. En ce moment, il a en plus de son travail en extérieur, il rénove leur sous-sol afin d'y installer une seconde salle de bain. Pour l'instant, celui-ci est inhabitable et Joyce a recouvert tous les meubles d'un plastique de protection. Elle prend son mal en patience car son mari s'étant découvert une passion pour le golf, il préfère passer des heures à s'entraîner dans son jardin au détriment de l'avancement des travaux. Peu importe, pour Faustine, l'accueil est plus que chaleureux et son amie Joyce, celle qui autrefois est venue lui apprendre à changer les couches de Julien, se montre toujours aussi généreuse et volubile. Pendant cette semaine-là, les deux femmes ne vont pas manquer d'occupation. Elles babysitent le dernier bébé de la fille aînée, participent à une vente artisanale et déménagent la fille cadette d'une université à l'autre dans le break familial. Faustine retrouve le plaisir de tenir un bébé dans ses bras, sans ressentir trop vivement le pincement au cœur qu'elle craignait. Les objets artisanaux vendus à la fête sont aussi kitsch qu'émouvants. Mais il n'y a rien à manger. Quant au campus universitaire, c'est loin d'être Harvard. Il est néanmoins intéressant de constater la différence entre les universités réservées aux classes aisées et celles des classes moyennes et en deçà. La plus jeune fille de Joyce partage sa chambre avec trois autres. Les sanitaires sont misérables, la cantine à l'autre bout du campus, mais elles sont néanmoins heureuses et satisfaites de pouvoir suivre des études sans devoir débourser 10 000 $ par trimestre. Évidemment, même si leur fac ne coûte que 1 000 $ par an, il faut trouver l'argent. Alors, toutes font des petits boulots au McDo ou dans des bars pour y arriver. Il n'existe pas encore de possibilité de prêt et rares sont ceux qui bénéficient de bourses. En parlant de repas, Faustine s'attendait à les prendre en commun et pouvoir ainsi mieux faire connaissance avec les autres membres de la famille de Joyce. Mais non. Ici aussi, chacun se sert quand il le souhaite, mange à son rythme et à l'endroit choisi. Le seul jour où Joyce reste fidèle au principe du repas en commun, c'est le dimanche. Pendant tout son séjour, Faustine et Joyce ont papoté pendant des heures. Elles ont partagé leurs souvenirs, pleuré et ri. Puis est venu le moment des adieux. Faustine a repris la route pour retrouver John et Marilyn. C'est la première fois qu'elle rencontre ses amis sur leur bateau, amarré sur le Potomac. Ils l'ont nommé Dunmoyne. Fini de tondre. Petit clin d'œil à l'époque désormais révolue de la tonte obligatoire du samedi. Faustine se souvient du temps où il buvait des verres au bord de la piscine et jouait au billard et au flipper dans le garage. Ils rêvaient déjà à leur navire et étudiaient très sérieusement le règlement maritime en vue d'obtenir leur licence et leur galon de capitaine. Ils avaient passé leurs examens avec succès et s'étaient offerts de superbes casquettes. John et Mère sont des gens très actifs qui ne supportent pas l'idée de la retraite. Ils ont transformé leur bateau en imprimerie et maison d'édition. Ils proposent toutes sortes de travaux. Cela va des cartes de visite jusqu'aux catalogues et prospectus divers. À l'arrière, sur le deck, est installé un confortable salon destiné aux apéros du soir. Le petit port est agréable, en pleine nature, entouré de forêts. Les entrailles du navire comprennent deux belles chambres à coucher, chacune avec sa salle de bain. À l'heure de l'apéritif, John et Mère concoctent pour Faustine un Virgin Mary. C'est un Bloody Mary sans alcool, magnifiquement assaisonné. Si Joe, Mère, ainsi surnommé, sont des buveurs invétérés, ils ont enfin compris le problème de Faustine et respectent désormais son besoin de sobriété. Ce soir, voulant surprendre leur invité, ils ont invité Pamela et Barbara, deux secrétaires que Faustine a bien connues du temps où elle travaillait chez Vici. Plus tard, lorsque la jeune européenne leur demande s'ils ont un jour navigué plus loin que leur place de port, ils rient de bon cœur et admettent qu'ils ont essayé. Ils sont allés jusqu'en Californie en suivant la côte de près. Ils ont failli couler corps et biens et décider de ne plus jamais bouger. En fait, s'ils voulaient naviguer, il leur faudrait faire de telles réparations sur le Dunmoyne qu'il leur serait impossible de l'assumer financièrement. Faustine constate en fin de soirée à quel point l'alcool peut faire des ravages. Vu de l'extérieur, c'est assez flagrant. La pauvre Marilyn, perdant toute retenue, sanglote éperdument au souvenir des épreuves traversées par Faustine autrefois. Celle-ci, très embarrassée, ne s'attendant pas à un tel débordement d'émotions, ne sait comment réagir. En revanche, elle se souvient bien de l'époque où elle avait le même genre d'attitude lorsqu'elle était prise de boisson. Heureusement, les invités sont partis et John s'est couché. Le lendemain, Faustine invite ses amis au restaurant et le trio envisage les éventuelles possibilités d'une collaboration entre la Suisse et les USA. À déterminer, pense la jeune femme, avant de reprendre la route. Aujourd'hui, Faustine doit rendre sa voiture à Dulles Airport, puis s'envoler pour Fort Lauderdale, dernière étape de son périple. Becky, la fille des Price, viendra la chercher à l'aéroport. Faustine a connu Becky 10 ans auparavant, alors qu'elle n'était pas encore mariée, et tournait beaucoup autour de Maxime pendant les concerts. Le musicien avait été impressionné par cette jeune femme qui pilotait son propre avion. Peut-être que Faustine était un peu jalouse sans oser se l'avouer. Becky et Dave se sont mariés et vivent dans une très belle villa au bord de l'eau. Ici, il y a des millions de villas à l'identique, plus ou moins spacieuses, plus ou moins belles, plus ou moins chères, qu'on croirait construites directement sur l'eau, au milieu des palmiers. Qu'elles semblent froides et anonymes sans un seul être vivant autour. Dave est chirurgien esthétique. Becky, diminutif de Rebecca, fut sa secrétaire médicale, puis sa femme. Ils travaillent du matin au soir pour payer la villa, la piscine et le reste. Manifestement, il gagne très bien sa vie. Becky, de son côté, s'occupe à dépenser le surplus. Si Faustine a bien compris, elle a échangé le pilotage contre la maternité. Parallèlement, elle élève 10 chevaux en vue de les revendre. Faustine n'en saura pas plus. Les premiers jours, Faustine s'ennuie un peu au bord de la piscine lorsque Becky s'absente et que la nurse sort en voiture avec les enfants sans lui proposer de l'accompagner. Sans doute les emmène-t-elle chez le pédiatre et à l'école. Pendant son séjour, Faustine les verra très peu. Ici, sans voiture, on n'est rien. Elle aurait dû en louer une, mais pourquoi faire? La Floride, pareillement à la Californie, est un mouroir à ciel ouvert. Chaque Américain ayant suffisamment d'argent pour s'offrir une retraite s'y fait construire une villa. À voir le nombre de ses demeures, on pourrait croire que beaucoup réussissent, ce qui est faux, bien sûr. Il n'empêche qu'ici, il n'y a pas de pauvres, ni de SDF, pas plus que de mendiants, des gardes patrouillent en permanence. Un matin, une équipe de femmes de ménage envahit la maison. Elles sont une demi-douzaine. En moins de 2 heures, elles ont tout nettoyé, vitres et réfrigérateurs compris. Voilà une idée d'entreprise qui n'a pas encore été introduite en Europe. Ici non plus, pas de repas préparés ni de promenade à faire dans les environs. D'ailleurs, c'est vite vu, il n'y a ni arbre ni forêt. Du béton, rien que du béton. Le bord de mer est cloisonné. Ce n'est même pas un bord de mer d'ailleurs, juste une bande de sable pour faire joli et promener les chiens. L'eau grise du lagon est uniquement fréquentée par les hors-bords et personne n'aurait envie de nager dedans. Pas un chat sur la plage, si ce n'est de loin en loin, un yogurt est flanqué. Faustine se demande pourquoi les gros, ceux qui en auraient réellement besoin, ne courent jamais. De l'autre côté du lagon, il y a d'autres immeubles, d'autres villas. Ce n'est qu'après cette rangée-là que l'océan devient visible. Mais ceux qui y ont accès sont sans doute plus fortunés que ses hôtes. On est toujours le pauvre de quelqu'un. Le lendemain, Becky promène Faustine à Miami, endroit mythique s'il en est. Elle lui montre la villa de Madonna, celle de Michael Jackson ou de Prince, et de bien d'autres personnalités qui font rêver les midinettes. Les deux femmes bagnotent dans des ruelles commerçantes. Il n'y a ici que des boutiques de luxe, principalement de vêtements et de chaussures, inabordables pour la jeune européenne. Faustine n'est pas impressionnée, car elle n'a jamais été envieuse. De toute façon, à quoi servirait de se vêtir ainsi si on n'a pas le style de vie qui va avec? Becky est encore toute fière d'avoir été choisie par un photographe pour immortaliser un modèle de haute couture. Faustine est plus attirée par les gadgets, surtout ceux qui sont astucieux. Il y en a peu ici, le clinquant étant prédominant, mais elle la niche tout de même pour un prix raisonnable une bague-montre en forme de cœur. Voilà qui n'existe pas encore dans sa petite ville. Le jeudi, Becky rentre à la maison rayonnant. Elle a vendu un cheval. Demain, elle emmène Faustine à Nassau, paradis fiscal par excellence. Elles iront jouer au casino. L'avion, un tout petit coucou, fait la navette entre l'île de Nassau et Fort Lauderdale. Le trajet ne dure pas plus d'une heure. Il est inconfortable et chahuté. À l'arrivée, une immense limousine réservée pour la journée les attend. L'automobile mesure bien 5 ou 6 mètres. L'intérieur est outrancièrement luxueux. On y trouve un mini-bar assorti d'une machine à glaçons, un téléviseur, une radio, le téléphone et même un vase garni de fleurs. La climatisation tourne à fond, bien qu'il fasse seulement 24 degrés en cette fin avril. Heureusement que le trajet jusqu'au casino est court. Faustine n'a pas le temps d'attraper froid, malgré le contraste brutal entre la température extérieure et la climatisation dans la voiture. Elle saurait bien rester un moment au soleil. Mais Becky ne lui laisse pas le temps de flâner. Les promenades, ce n'est pas son truc. A-t-elle seulement promené ses enfants? D'ailleurs, on ne voit de poussette nulle part, que ce soit ici ou en Floride. Le casino lui-même est un palace entièrement climatisé. En cette fin de matinée, les immenses salles de jeu ouvertes 24 heures sur 24 sont encore quasi vides. Quelques employés promènent nonchalamment une serpillière entre les dizaines de rangées de machines à sous. Becky se dirige tout droit vers le comptoir de change et se procure des jetons, 10 sous pour mettre les gains et 2 coca géants sans sucre pour faire bonne mesure. 5 minutes plus tard, les deux femmes ont choisi une machine à sous et commencent à jouer. Très vite, Faustine se met à gagner. Son seau se remplit de quarters. Comme à Evian, autrefois, elle veut jouer, pas forcément gagner. Pour elle, l'argent du jeu, c'est de l'argent sale. Alors, elle joue encore et encore et gagne encore et toujours. Rien d'énorme, mais tout de même. Vers 13h, les deux amis se sustentent dans l'un des nombreux restaurants de la place. Au moins que cet argent serve à quelque chose. Un peu plus tard, après avoir en vain tenté de vider son seau, Faustine partage ses gains avec Becky. Elle tente à nouveau de perdre le reste, mais 2 heures avant le départ de l'avion, il reste encore beaucoup de quarters. Difficile d'en évaluer le total. Les deux femmes passent alors à la caisse et se retrouvent avec plus de $200 de gains. Faustine décide alors de se rendre au centre-ville dans la belle limousine et de s'acheter un bijou. Il symbolisera son pèlerinage, sa réussite en sobriété et ses premiers pas dans sa nouvelle vie. La vieille ville de Nassau regorge d'officines de vendeurs et revendeurs de bijoux. Logique avec tous ces joueurs qui perdent jusqu'à leur dernière possession et cherchent à revendre leurs bijoux pour se refaire. Dans combien de mains est passée la jolie bague que Faustine choisit? Quelle est son histoire? Elle est belle et discrète avec sa rangée de petits saphirs sertis sur un anneau d'argent. Faustine y investit ses derniers gains, voire un peu plus. Mais une nouvelle vie vaut bien cela, n'est-ce pas ?